Le mystère de Liverpool par Emma Orczy, chapitre 1er. Rien de plus utile pour les voleurs, les escrocs, les tricheurs au jeu et autres gentils individus qu'un titre étranger, me dit le bonhomme dans le coin, après avoir pris son lait par petites gorgées, ainsi qu'il convient à un savant végétarien. Les vols les plus beaux des temps modernes furent accomplis récemment à Vienne par un homme qui se faisait appeler là-bas Lord Seymour, simplement. Mais quand il venait en Angleterre, la meilleure société le connaissait comme un comte en O, ou en I, ou un prince en Off, ou en Ski. Heureusement, les patrons d'hôtels de Londres commencent à respecter un peu moins ces titres-là. Les nobles étrangers qui parlent un mauvais anglais leur paraissent même, tout d'abord, des escrocs et des voleurs possibles. Les résultats, d'ailleurs, sont quelquefois des plus déplaisants pour les vrais seigneurs qui honorent notre pays de leur visite. Tenez, par exemple, le prince Semyonich, auquel le Gotha accorde 16 quartiers de noblesse, qui avait avec lui assez de bagages pour répondre des frais de tout l'hôtel, si on l'avait mis entièrement, sans en accepter une chambre, à son service pendant une semaine. Lui, qui ayant perdu un étui à cigarettes en or, orné de diamants et de turquoise, n'essaya même pas de le retrouver, eh bien, il fut attendu très soupçonneusement par le manager de l'hôtel Wellington, à Liverpool, lorsque son secrétaire, un petit français un peu vulgaire et arrogant, eut retenu en son nom la meilleure suite. On avait l'air de se demander quel escroc allait survenir. Mais cela changea dès l'arrivée du prince Semyonich. Le petit secrétaire dépose alors en garde dans la caisse du manager une pile considérable de billets de banque et un grand nombre de bijoux, de quoi acheter l'hôtel à son propriétaire. En plus, M. Albert Tombert, c'était le nom du secrétaire, expliqua que le prince, qui ne resterait à Liverpool que quelques jours, s'en allait à Chicago voir sa sœur, la princesse Anna Semyonich, femme de M. Girouan, le multimillionnaire roi du cuivre. Mais cela n'empêcha pas les commerçants de Liverpool, auxquels le prince eut affaire, de prendre des précautions. Les titres étrangers n'en imposent même plus aux commis de boutique. Le prince était depuis 2 jours à l'hôtel Wellington, quand il envoya son secrétaire chez messieurs Winslow et Bassel, les grands bijoutiers de la rue Bold, pour leur demander d'envoyer à l'hôtel, porté par un de leurs employés, quelques très beaux bijoux, parmi lesquels il choisirait un présent pour sa sœur. Monsieur Winslow accueillit la démarche très aimablement, puis il alla consulter son associé M. Bassel dans l'arrière-magasin. Tous deux désiraient ne pas manquer ce bon client possible et ne pas désobliger M. Pettit, le manager de l'hôtel Wellington, qui les avait recommandés au prince. Mais ce titre étranger et ce petit secrétaire français donnèrent à penser à ces deux solennels bijoutiers de province, et ils convinrent non seulement de n'accorder aucun crédit, mais qu'au cas où un chèque serait offert en paiement, de ne remettre les bijoux à l'acheteur qu'après l'encaissement du dit chèque. Qui porterait les bijoux à l'hôtel? Pas l'un des deux associés s'eût été contraire à toute éthique commerciale. Et puis, il serait plus facile à un employé d'expliquer que, selon le règlement de la maison, l'encaissement d'un chèque devait précéder la livraison des bijoux. D'autre part, il faudrait sans doute parler une langue étrangère. Le principal employé, Charles Needham, depuis 12 ans dans la maison, ignorait toute autre langue que la sienne. On décida donc d'envoyer M. Schwartz, un jeune Allemand, récemment arrivé en Angleterre et très polyglotte. M. Schwartz était le neveu et le filleul de M. Winslow. Une sœur de celui-ci avait épousé le directeur de la grande marque allemande Schwartz et compagnie, orfèvre à Hambourg et à Berlin. Ce jeune homme était très aimé de son oncle, un célibataire, et on présumait qu'il en serait l'héritier. D'abord, M. Bassel hésita à envoyer M. Schwartz avec tant d'objets précieux à travers une ville qu'il n'avait pas encore eu le temps d'étudier complètement. Mais enfin, il se laissa persuader par son associé et il fut décidé que M. Schwartz, muni d'un bon choix de colliers, bracelets et bagues, d'une valeur de plus de 16 000 livres, irait à l'hôtel Wellington dans un cab le lendemain jeudi à environ 3 heures de l'après-midi. Or, ce lendemain, à 5 heures de l'après-midi, M. Schwartz n'était pas encore de retour au magasin. Et cela parut un peu étrange à M. Winslow, qui fit part de ses inquiétudes à M. Bassel. Celui-ci offrit d'aller à l'hôtel s'informer auprès de M. Pettit, ajoutant qu'il commençait lui aussi à ne pas être rassuré. M. Bassel s'en alla donc à l'hôtel et interrogea le portier du hall. Ce dernier se rappelait très bien qu'un M. Schwartz avait fait passer sa carte au prince Semyonitch. « À quel moment était-ce ? » demanda M. Bassel. « Environ 3h10, monsieur, et il repartit un peu moins d'une heure après. » « À quelle heure s'en alla-t-il ? » « Un peu avant 4h. »« Vous êtes sûr ? » ?»« Tout à fait sûr. » M. Pettit était dans le hall et lui a demandé si l'affaire était bonne. M. Schwartz a répondu en souriant qu'elle n'était pas mauvaise. « J'espère que rien de fâcheux ne lui est arrivé. » « Oh, rien, merci. Puis-je voir M. Pettit ?» M. Pettit, le manager de l'hôtel, partagea l'anxiété de M. Bassel en apprenant que le jeune Allemand n'était pas encore de retour. « Je lui parlais vers 4h. Nous venions d'allumer l'électricité dans la maison, ce que nous faisons toujours à cette heure-là en hiver. Mais ne vous inquiétez pas, M. Bassel. Sans doute le jeune homme s'est-il arrêté en chemin pour quelque affaire ?» M. Bassel remercia le manager et revint au magasin. M. Schwartz ne s'y trouvait toujours pas. Et 8h allait sonner. M. Winslow était si hagard, si déprimé, qu'il aurait été cruel d'ajouter des reproches à ses soucis et même de lui dire simplement que la disparition de son neveu, avec 16 000 livres de bijoux et d'argent, était maintenant un fait acquis. Il restait pourtant une chance bien légère. L'habitation de M. Winslow se trouvait à l'autre extrémité de la ville, et le jeune Schwartz y vivait depuis son arrivée à Liverpool. Malade ou pour toute autre raison, peut-être y était-il parti sans passer au magasin. Vain espoir, à 9h, le jeune homme demeurait encore introuvable. M. Winslow alla alors à l'hôtel Wellington et demanda voir le prince Semyonitch, mais celui-ci était au théâtre avec son secrétaire et ne devait pas revenir avant minuit. Le malheureux bijoutier, ne sachant que penser et que craindre, alla faire sa déclaration au bureau de police. Les nouvelles de ce genre se répandent vite dans une ville comme Liverpool. Les journaux du lendemain matin contenaient des articles sensationnels sur la mystérieuse disparition d'un commerçant bien connu. M. Winslow reçut, en même temps que son journal habituel, une longue lettre de son neveu, lettre qui avait été mise à la poste centrale de Liverpool.